Enzo no le jeu. Le vrai, ouais, le vrai. Envie coquée, envie coquée, des fois pépa carotte, c'est le moins. Envie coquée, des fois pépa carotte, c'est le moins. Envie coquée qu'on sait, envie coquée qu'on ça. Envie coquée qu'on sait, envie coquée qu'on ça. Envie coquée Sophie, envie coquée Sophia. Envie coquée Stony, envie coquée Sonia. Ouais, des fois pépa carotte, c'est le moins. Envie coquée, envie coquée, des fois pépa carotte, c'est le moins. Envie coquée, envie coquée, des fois bébé carotte, c'est le moins. Où j'ai connaître nous pas qu'elle pour dormir, acheter capotant, acheter codomi. Où j'ai connaître qu'elle nous même pas qu'elle dormi, en qu'elle bon vaginal, elle veste au domi. Acheter NS, il faut pas qu'elle vomit, en qu'elle bon kiki jusqu'à temps où vins zombie. Gobo d'or là, c'est ça fait qu'on clarifie, en qu'elle bon kiki dès midi à minuit. Des fois bébé carotte, c'est le moins. Envie coquée, envie coquée, des fois bébé carotte, c'est le moins. Envie coquée, envie coquée, des fois bébé carotte, c'est le moins. Envie coquée qu'on si, envie coquée qu'on ça. Envie coquée qu'on si, envie coquée qu'on ça. Envie coquée Sophie, envie coquée Sophia. Envie coquée Stony, envie coquée Sonia. Ouais, des fois bébé carotte c'est le moins. Envie coquée, des fois bébé carotte c'est le moins. Envie coquée, des fois bébé carotte c'est le moins. Là nous bons animaux, même si fait ça on fait 120 kilos. Nous on doit consoler oh, mais Julien moins y cavole oh. Où j'apprenais que nous aimons les femmes, que Enzo la même pas homo. Où c'est Juliette danser Roméo, où c'est Juliette danser Roméo. Des fois pépa carotte c'est le moins. Envie coquée, envie coquée, des fois pépa carotte c'est le moins. Envie coquée, des fois pépa carotte c'est le moins. Envie coquée qu'on sait, envie coquée qu'on ça. Envie coquée qu'on sait, envie coquée qu'on ça. Envie coquée Sophie, envie coquée Sophia. Envie coquée Stony, envie coquée Sonia. Ouais, des fois bébé carotte c'est le moins. Envie coquée, des fois bébé carotte c'est le moins. Envie coquée, des fois bébé carotte c'est le moins.